Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Incha'Allah ta'ala, aujourd'hui on va commencer une série de cours sur l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, qui est une grande histoire et une longue histoire qui est citée dans le Coran, dans un certain nombre de sourates et dans un grand nombre de versets du Coran. Mais avant d'entrer dans cette histoire, je voulais faire un petit rappel. Premièrement, comment faire pour s'abonner? Donc je vous invite à vous abonner, vous cliquez sur je m'abonne ou bien s'abonner, et après vous cliquez sur la cloche que vous voyez à côté de s'abonner, et vous allez dans toutes les notifications, comme ça, inshallah ta'ala, vous recevrez une notification à chaque fois que nous mettons en ligne une vidéo. Ça, c'est le premier point. Et bien entendu, vous pouvez également vous inscrire sur l'islam.simplement@gmail.com afin d'être prévenu par message sur WhatsApp. Quelques minutes avant chaque live, avant chaque cours, on vous envoie le lien du cours, Inch'Allah Ta'ala. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire pour accéder aux différentes playlists, puisque les cours sont regroupés par thème sur la chaîne YouTube. Vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques quand vous accédez à la chaîne. Si vous cliquez l'islam simplement, si vous tapez l'islam simplement sur YouTube, vous cliquez sur accéder à la chaîne et ça vous donne plusieurs rubriques en haut de la page. Et une des rubriques s'appelle playlist. Donc vous cliquez sur playlist et là vous verrez qu'il y a différentes playlists, donc par thème, les histoires des prophètes, la croyance musulmane, le miracle du voyage nocturne et de l'ascension, les lois du jeûne de Ramadan, les lois de la prière, récitons ensemble le Coran et ainsi de suite. Comme ça, vous pourrez, Inch'Allah, écouter un thème en écoutant les vidéos les unes après les autres sans être perturbé par plein de vidéos qui sont proposées par YouTube. Également, je voulais exceptionnellement vous parler d'une autre chaîne qui est une chaîne de vidéos qui sont plus courtes que celle que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Et cette chaîne, elle s'appelle Sagesse de l'Islam. Donc c'est une chaîne qui est très utile et profitable également. Ce sont des vidéos de 5 à 10 minutes. Je vous invite vraiment à vous abonner et à cliquer également sur la cloche et sur toutes les notifications pour que vous soyez informés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ce sont des petites vidéos aussi bien en français qu'en arabe, donc c'est en dialecte algérien. Et franchement, mashallah, cet enseignant, c'est un bon orateur et il y a beaucoup à apprendre de ses vidéos et de ses cours. Et d'ailleurs, je vous ai mis sur notre chaîne, l'Islam simplement, des khutbahs qui proviennent de cet enseignant. Et je vais vous mettre une nouvelle khutbah qu'il a faite la semaine dernière qui s'intitule « Quel est ton secret ?» Elle sera dans la description de notre vidéo du jour, Inch'Allah ta'ala. Abonnez-vous aussi à son compte Instagram qui s'appelle Sagesse de l'Islam si vous avez Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, n'ayez pas Instagram. N'utilisez pas votre temps dans Instagram. Mais pour ceux d'entre vous qui ont Instagram, abonnez-vous à sa chaîne Sagesse de l'Islam. Il y a plein de photos et de petites vidéos qui sont courtes et qui sont utiles, Inch'Allah ta'ala. Et après cette courte introduction, on va passer à l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Donc toutes les informations que je vous ai dites, elles seront dans la description de cette vidéo bi'idhnillahi ta'ala. Donc le prophète Moussa alayhi salam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère lorsque nous apprenons la science de la religion et lorsque nous mettons ce que nous avons appris en pratique. Illahi ta'ala. Le prophète Moussa, alayhi salam, il fait partie de la descendance de Ya'qub. Donc il fait partie du peuple de Banu Israël. Et je vous rappelle que Ya'qub s'appelait aussi Israël, Israël. Et c'était un prophète musulman, comme tous les prophètes. Et le prophète Ya'qub, donc Israël, il a donné naissance à 12 enfants, 12 garçons. Parmi eux, il y avait le prophète Yusuf, alayhi salam, et également Binyamin, qui était aussi un prophète, selon ce qu'ont dit certains savants. Et nous avons raconté, donc dans la playlist « Histoire des prophètes », aussi bien le récit du prophète Ya'qub, alayhi salam, que le récit de son fils, le prophète Yusuf, alayhi salam. Et parmi le peuple de Banu Israël, donc les enfants d'Israël, qui sont les descendants des 12 fils du prophète Ya'qub, ça a donné 12 tribus. Et ces 12 tribus, on les appelle les tribus des fils d'Israël, les Banu Israël. Et parmi eux, bah, il y avait des musulmans et il y avait des non-musulmans. Il y avait ceux qui croyaient en Allah et il y avait ceux qui ne croyaient pas en Allah. Et parmi les descendants de Israël, alayhi salam, hein, parmi le peuple de Banu Israël, il y a eu un prophète qui s'appelait Moussa, alayhi salam. Et les descendants du prophète Ya'qub, ils sont partis s'installer en Égypte à l'époque où le prophète Yusuf alayhi salam était devenu le trésorier. Rappelez-vous, dans l'histoire, on avait raconté que ses 11 frères ainsi que son père sont venus en Égypte le retrouver. Et c'est à partir de là que leur descendance est restée résider en Égypte. Mais en Égypte, il n'y avait pas que eux, il y avait ceux qui étaient originaires d'Égypte de base. Et on les appelle les Coptes. Et les Coptes, ils avaient un gouverneur qu'on appelait Pharaon. Pharaon, ce n'est pas un terme qui est spécifique à une seule personne, mais c'était en réalité le titre qui était donné au gouverneur d'Égypte de l'époque. Donc les pharaons se succédaient les uns les autres, tout comme en France, les présidents se succèdent, on les appelle. Et les présidents se succèdent, et on les appelle présidents, chacun d'entre eux, on les appelle présidents. Et à l'époque des Romains, celui qui gouvernait s'appelait César. Ça n'était pas une seule personne, mais à chaque fois qu'il y avait un gouverneur, on l'appelait César. De la même manière, à chaque fois qu'il y avait un gouverneur en Égypte, on l'appelait Pharaon, Pharaon. Et les pharaons, ils régnaient en Égypte et ils régnaient sur le peuple d'Israël, sur le peuple de Banu Israël. Et il leur faisait subir des injustices. Ils égorgeaient les fils d'Israël, ils forçaient les femmes à les servir, les femmes de Banu Israël, ils réduisaient les hommes en esclavage, ils les humiliaient, ils les forçaient à travailler pour eux. Alors, il y avait certains qui travaillaient dans la construction, comme vraiment de l'esclavage, hein. Il y en avait d'autres qui travaillaient dans les champs, il y en avait qui travaillaient dans des choses qui étaient dégradantes et humiliantes, et le peuple de Banu Israël souffrait véritablement sous le régime de différents pharaons. Et même ceux qui n'étaient pas capables de travailler, les pharaons exigeaient d'eux de payer une jizya, donc un impôt. Et cette situation, elle a duré, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala envoie le prophète Moussa alayhi salam comme messager. Et c'était donc une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le peuple de Banu Israël. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré: Natlu alayka min naba'i Moussa wa Fir'aun bil haqq li qawmin yu'minun. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Donc dans ces deux versets, Allah Ta'ala nous apprend que dans le Coran, il nous est raconté l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et de Pharaon, Pharaon. Donc cette histoire qui est véritable et qui est racontée à un peuple de croyants, pour un peuple qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il est dit que Pharaon, il a gouverné sur terre et il a fait preuve d'injustice et il a égorgé des gens de Banu Israël et il utilisait les femmes de Banu Israël comme des esclaves, comme des servantes et il faisait partie des Mufsidines, donc de ceux qui ont propagé la corruption sur terre. Et c'est là qu'est arrivé le prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa, il s'appelle Moussa ibn Imran. Donc Moussa, fils de Imran, son père était Imran. Et il remonte, son ascendance remonte jusqu'à Lévi, donc Lévi, qui était un des 12 enfants du prophète Jacob, du prophète Yaqub alayhi salam, qui lui-même est le fils de Ishaq, Isaac alayhi salam, et qui lui-même est le fils du prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam. Et le père de Moussa s'appelait, ou plutôt la mère de Moussa s'appelait Yuhanid. Et Moussa avait un frère qui était également un prophète et qui s'appelait Haroun Aaron. Et le prophète Moussa alayhi salam, comme je vous ai dit précédemment, il a été cité de nombreuses fois dans le Coran. Le nom du prophète Moussa est cité 136 fois dans le Coran, dans de nombreuses sourates. Le prophète Moussa alayhi salam, il est donc né à l'époque d'un tyran, d'un pharaon qui était un des plus grands tyrans qui ont existé sur terre. Et ce pharaon s'appelait Al-Walid ibn Mus'ab. Et c'était l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prétendait lui-même être un seigneur. Il disait « Ana rabbukumul a'la », c'est-à-dire « Je suis votre seigneur majestueux ». Il était connu pour sa violence, il était connu pour ses crimes, il prétendait être Dieu, donc c'était un grand mécréant. Et une nuit, le gouverneur, Pharaon, qui s'appelait Al-Walid ibn Mus'ab, il a fait un rêve. Et ce rêve, il lui a fait extrêmement peur, il l'a inquiété. De quoi il a rêvé? Il a rêvé d'un feu qui provenait de Jérusalem, Beitul Maqdis, et qui se rapprochait jusqu'à arriver en Égypte. Et le feu, il s'est mis à entourer, à encercler les maisons, et il a tout brûlé. Il a brûlé les maisons des Coptes, il a brûlé les Coptes eux-mêmes, et par contre, le feu n'a pas brûlé le peuple de Banu Israël. Bien sûr, c'était un rêve. Dans le rêve, je répète, le feu, il a tout brûlé en Égypte, c'est-à-dire qu'il a brûlé aussi bien les maisons des Coptes que les Coptes eux-mêmes. Par contre, le peuple de Banu Israël a été épargné. Et donc, quand Pharaon, il s'est réveillé, il a pris panique, il a pris peur, et il a rassemblé ses prêtres, il a rassemblé ses magiciens, il a rassemblé les astrologues du pays, et il leur a demandé la signification de son rêve. Et alors, ils lui ont répondu que la cause de la destruction de l'Égypte et la cause de la destruction des Coptes, c'est un enfant qui va arriver et qui fait partie du peuple de Banu Israël. Et lui ont dit, ta souveraineté, elle va prendre fin. Ton royaume, ton régime va prendre fin à cause d'un enfant qui va provenir de Banu Israël. Et non seulement il va faire sortir son peuple de ton pays, mais il va également changer ta religion. Et le moment de sa naissance, il est extrêmement proche. Ça veut dire qu'il va bientôt naître. Alors Pharaon, il a été pris de panique, et il a voulu empêcher cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné de tuer tous les nouveau-nés garçons des Hébreux de Banu Israël. Et à ce moment-là, ils ont tué, donc ces soldats, ils ont ordonné à ce que les Qawabil, donc les femmes qui s'occupaient des naissances, de les prévenir quand une femme de Banu Israël allait donner naissance à un enfant. Si c'était une fille, elle était épargnée, ils ne la tuaient pas, comme ça elle pouvait servir toujours le peuple des Coptes. Par contre, si c'était un garçon, il était exécuté. Évidemment, les femmes de Banu Israël, elles avaient peur, elles se faisaient torturer par les soldats de Pharaon jusqu'à ce qu'elle fasse des fausses couches, au point que certaines d'entre elles, pour ne pas être persécutées, pour ne pas subir la torture, elles avortaient elles-mêmes et elles faisaient perdre leur enfant, comme ça elles ne se faisaient pas torturer jusqu'à ce que leur enfant décède dans leur ventre. Sauf qu'au bout d'un moment, les Coptes, ils se sont réunis et ils sont partis voir Pharaon. Les notables, les gens de la haute société, ils sont partis voir Pharaon et lui ont dit « Là, ce que tu es en train de faire, ça ne va pas dans notre avantage parce que tu es en train de tuer tous les nouveau-nés parmi Banu Israël. Les vieux de Banu Israël, les vieux Israélites, ils sont en train de mourir. Et donc, au bout d'un moment, il ne va plus y avoir d'hommes dans le peuple de Banu Israël. Et qui va se mettre à travailler pour nous ? C'est nos enfants qui vont travailler ? C'est nous-mêmes ? On va devoir travailler maintenant ?» Alors, Pharaon, il a changé son plan. Et il a décidé de tuer les garçons une année sur deux. Comme ça, il n'extermine pas dans la totalité le peuple de Banu Israël, mais il restera toujours une année sur deux des nouveau-nés qui seront des esclaves et qui pourront travailler pour les Coptes. Et c'est ce qui est arrivé. Donc une année sur deux, il tuait tous les nouveau-nés de Banu Israël, si c'était des garçons bien sûr. Alors le prophète Haroun alayhi salam, lui, il est né dans l'année dans laquelle les enfants n'étaient pas tués. Par contre, le prophète Moussa, alayhi salam, lui, il est né dans l'année dans laquelle les garçons, ils étaient tués, ils étaient égorgés. Et donc, la mère du prophète Moussa, alayhi salam, Yuhanid, elle s'est mise à angoisser, elle s'est mise à avoir peur, et elle craignait que son fils Moussa se fasse tuer dès le début de sa grossesse. Alors, elle faisait attention à ne pas se faire remarquer, et elle s'est mise à prendre des précautions. Et Allah Ta'ala lui a facilité, étant donné que sa grossesse, elle n'était pas visible au début. Mais quand elle a vu qu'elle allait accoucher, alors elle s'est mise à avoir peur encore plus, et elle était complètement accablée. Alors Allah Subhanahu wa Ta'ala, il lui a inspiré de ne pas s'inquiéter. Allah a fait que dans son cœur, Yuhanid, elle a ressenti comme un apaisement et comme une inspiration qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, qu'elle n'avait pas à s'attrister, et que son enfant, il allait avoir un grand destin, que son enfant Moussa alayhi salam, il allait être protégé, il allait être préservé, et que donc il n'allait pas lui arriver malheur de la part de Pharaon et de ses soldats. Allah Ta'ala, il lui a également inspiré d'allaiter son fils Moussa quand il allait naître et de fabriquer une nacelle en bois, donc une genre de caisse en bois dans laquelle elle allait le cacher quand les soldats de Pharaon, ils allaient arriver chez elle pour vérifier s'il n'y a pas de nouveau bébé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc elle est partie voir quelqu'un qui... comment ils appellent ça ? Un menuisier ou là un menuisier. Et donc elle est partie voir un menuisier et elle lui a demandé de lui construire une genre de nacelle, comme une caisse. Et elle s'est mise à allaiter son fils Moussa alayhi salam quand il est né. Bien sûr, elle est partie accoucher en cachette. Elle lui donnait de son lait et quand les soldats arrivaient, elle mettait le prophète Moussa alayhi salam dans sa nacelle. Elle l'accrochait à une corde et comme elle habitait en bordure du fleuve, du Nil, alors, quand les soldats venaient, elle le mettait sur le fleuve et elle dénouait, elle détachait la corde. Comme ça, le berceau, la nacelle, elle s'éloignait. Et quand les soldats ils partaient, elle tirait la corde pour amener son fils qui voguait, en fait, sur le Nil. Sauf qu'un jour, les soldats sont venus. Elle a mis le prophète Moussa, alayhi salam, dans la nacelle. Et elle a oublié d'attacher la corde. Alors, le fleuve du Nil, il a emporté le prophète Moussa alayhi salam, et elle a perdu son fils. Et les vagues du Nil, elles emmenaient le berceau jusqu'à ce qu'il arrive à côté du palais de Pharaon. Et qui a trouvé le berceau ? C'est les servantes de Asiya, qui était la femme de Pharaon. Et Asiya, il a été dit que c'était la plus belle femme de son époque. Et elle était épouse de Pharaon, mais elle faisait partie de Banu Israël, elle faisait partie du peuple de Banu Israël. Et quand les servantes de Asya, la femme de Pharaon. Elles ont vu le berceau, elles sont parties le récupérer. Elles étaient en train de se baigner sur le fleuve du Nil. Elles sont parties le récupérer. Et elles pensaient que c'était un trésor, que c'était un coffre dans lequel il y avait des objets précieux. Alors elles l'ont apporté à Asya. Et quand elle a ouvert la caisse, elle a vu que c'était un bébé qui était extrêmement beau. Et tout de suite, elle l'a aimé et elle s'est attachée à lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala dit dans le sens que nous avons inspiré à la mère de Moussa, nous avons inspiré à ta mère, c'est-à-dire au Moussa, ce qui lui est inspiré. Et c'est quoi? C'est de mettre Moussa dans le berceau et de le déposer sur le fleuve jusqu'à ce que le berceau, finalement, il soit emmené par les vagues du fleuve et qu'il soit pris par mon ennemi et ton ennemi. C'est-à-dire l'ennemi d'Allah et l'ennemi de Moussa alayhi salam. Pourquoi? Parce que Asya, elle n'était pas une ennemie, au contraire, elle était croyante, mais elle cachait sa foi à Pharaon pour pas que Pharaon ne la châtie. Mais étant donné qu'elle vivait dans le palais de Pharaon, qui allait garder Moussa alayhi salam? Ben, elle et également son mari qui était Pharaon. Donc Asya, elle a aimé le prophète Moussa alayhi salam, et immédiatement elle s'est attachée à lui. Elle a vu le bébé, elle l'a découvert et elle a voulu le garder. Quand Pharaon a vu le bébé, qu'est-ce qu'il a voulu faire lui? Il a voulu le tuer. Il a ordonné à ce qu'on égorge le prophète Moussa alayhi salam. Et là, Asya, elle a intercédé en faveur du bébé et elle a voulu le défendre. Et elle a supplié, hein, elle a demandé à Pharaon de ne pas tuer cet enfant. Et elle lui a dit, il sera une source de bonheur pour toi et pour moi. Il sera une source de bonheur pour nous. Parce qu'elle, elle n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Pharaon, lui, il avait des enfants avec d'autres femmes. Mais il n'avait pas d'enfant avec Asya. Et donc Asya a demandé à Pharaon de pouvoir garder ce bébé et de pouvoir l'éduquer comme si c'était son enfant. Alors Pharaon, au bout d'un moment, il a fini par accepter. Mais quand elle lui a dit « Il sera une source de bonheur pour toi et pour moi », il lui a dit « Pour toi peut-être, mais moi j'en ai pas besoin ». Mais quand même, il a accepté que Asya, elle garde son cet enfant. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran « وَقَالَتْ إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Donc dans ce verset, il est dit que la femme de Pharaon, c'est-à-dire Asya, qu'Allah l'agré, c'était une femme vertueuse, hein. Elle c'était une musulmane, elle a dit « قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ » c'est-à-dire que cet enfant puisse être une source de joie et de bonheur pour moi et pour toi. Et elle a dit « لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا » ne le tuez pas, puisse-t-il nous être utile dans le futur ou puissions-nous le prendre comme un enfant pour nous. Et c'est alors que Moussa alayhi salam, il est resté, lui qui allait devenir un prophète, il est resté à grandir dans le palais de Pharaon qui était un des plus grands ennemis de l'islam. Moussa alayhi salam, il vivait dans le palais de Pharaon et de Asya, et Asya, elle l'aimait énormément et elle le chérissait. Et en plus, Moussa alayhi salam, il avait de la prestance, il était extrêmement beau. Sauf que, il fallait lui trouver une femme qui allait l'allaiter. Et Moussa, alayhi salam, il a refusé les femmes que Asya lui présentait pour qu'elle puisse l'allaiter. Et elle cherchait une nourrice, elle cherchait. Et Moussa, alayhi salam, il refusait toutes les nourrices qui venaient à lui pour l'allaiter. Et Allah Ta'ala dit également dans le Coran, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, c'est-à-dire, et nous avons fait que ils ne prennent pas ces nourrices-là, ils ne prennent pas leur sein. La mère du prophète Moussa, alayhi salam, elle était inquiète pour son fils. Et elle était attristée que son bébé, il soit parti, qu'elle a oublié d'attacher la corde. Et elle s'est inquiétée pour lui. Alors, au bout d'un moment, elle a appelé sa fille, parce qu'elle avait une fille également, la sœur du prophète Moussa, alayhi salam, et elle lui a demandé d'aller dans le palais pour vérifier si c'était bien Moussa, son fils, le bébé qui était dans le palais et dont tout le monde parlait. Pourquoi tout le monde en parlait? Parce que Asya, elle cherchait une nourrice. Et Moussa, alayhi salam, refusait le sein de toutes les nourrices. Et il pleurait. Et certains ont dit que pendant 8 mois, il n'a pas bu du lait d'une femme. Pendant 8 mois, il refusait tous les seins de toutes les femmes. Alors, quand la sœur de Moussa, alayhi salam, elle est arrivée au palais, bien sûr, elle n'a pas dit que c'était sa sœur, et elle a vu que toutes les nourrices, leurs seins étaient refusés par le prophète Moussa, alayhi salam, elle est venue et elle a proposé à Asya de lui amener une nourrice de confiance. Et elle lui a dit, je connais une femme qui veut bien prendre ce bébé pour s'occuper de lui et pour lui donner de son lait. Alors, elle lui a présenté sa mère, qui était Yuhanid, la mère de Moussa, alayhi salam, et immédiatement, bien entendu, le prophète Moussa, alayhi salam, a pris le sein de sa mère. Et là, Asya, qui ne se doutait de rien, elle était très contente, et la mère de Moussa, alayhi salam, elle a récupéré son enfant, et elle était extrêmement contente aussi. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ, c'est-à-dire, et ta sœur, la sœur de Moussa, alayhi salam, elle s'est mise à marcher jusqu'à arriver au palais, et elle a dit, est-ce que vous voulez que je vous indique une nourrice, une femme qui va s'occuper de lui? فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ, nous t'avons donc ramené à ta mère afin qu'elle retrouve la joie et qu'elle ne soit pas attristée. Et c'est ainsi que la promesse qu'Allah Ta'ala avait faite à la mère de Moussa alayhi salam, du fait qu'elle a été inspirée que son fils allait lui être amené et qu'il allait être protégé, cette promesse, elle a eu lieu. Et Asya, elle a demandé à la mère de Pharaon de venir s'installer dans le palais. Sauf que la mère de Moussa, je répète, Asya a demandé à Yuhanid, la mère de Moussa alayhi salam, de venir s'installer dans le palais pour pouvoir allaiter son fils en fait. Sauf que la mère de Moussa, elle a refusé. Elle lui a dit, laisse-le-moi parce que j'ai d'autres enfants. Je le garde chez moi. Et toi, tu le verras de temps en temps, je te l'apporterai de temps en temps, mais tout le temps que je l'allait, il restera chez moi. Et Asya, elle a fini par accepter. Et donc, le prophète Moussa, alayhi salam, est retourné chez sa mère pendant tout le temps de l'allaitement. Et quand il a fini d'être allaité, il a commencé à grandir, il est retourné au palais, et c'est Asya qui s'est occupé ensuite du prophète Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Donc dans ces versets également, il est dit que la sœur de Moussa alayhi salam, elle est partie incognito au palais pour leur proposer une famille qui allait s'occuper de Moussa. Et en fait, c'était la famille de Moussa alayhi salam, c'était sa propre mère. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ. Et donc, nous l'avons retourné chez sa mère. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. Afin qu'elle soit réjouie et afin qu'elle ne soit pas attristée. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٍ. Et pour qu'elle sache que la promesse d'Allah est vérité, que la promesse d'Allah, elle a lieu et elle est effective. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des gens ne savent pas. Le prophète Moussa alayhi salam, il est donc resté dans le palais. Et quand il s'est installé dans le palais, un jour, alors qu'Asya s'amusait avec lui, elle a donné le prophète Moussa alayhi salam à Pharaon pour qu'il le porte. Et là, le prophète Moussa alayhi salam, alors qu'il n'était qu'un bébé, il s'est mis à arracher la barbe de Pharaon. Alors Pharaon, quand il a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le tuer. Il s'est dit, c'est peut-être ce fameux bébé de Banu Israël qui me fera du mal dans le futur. Et donc, il a décidé de le tuer. Et là, Asya, elle l'a supplié de ne pas le tuer, mais il ne voulait rien entendre. Alors, elle lui a proposé quelque chose. Et elle lui a dit, on va prendre une braise qui brûle, un bout de charbon, un morceau de charbon qui est brûlant, et une date. Et on va les proposer à ce bébé. S'il prend la date, ça veut dire qu'il est intelligent et que c'est peut-être comme tu dis, et s'il prend la braise, ça montre bien que ça n'est qu'un bébé et qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Alors Pharaon a accepté. Et donc ils ont apporté une braise et un morceau de date. Et Allah Ta'ala, bien sûr, pour une grande sagesse, pour pas que Pharaon ne tue le prophète Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala a fait que ce soit la braise qui ait été prise par le prophète Moussa alayhi salam. Et cette braise-là, lorsqu'elle a été mise, lorsqu'il l'a mise au niveau de sa bouche, elle lui a brûlé la langue, mais cela n'a pas laissé une tare au prophète Moussa alayhi salam. Il ne faut pas croire ce qui est écrit dans certains livres, comme quoi le prophète Moussa alayhi salam, soi-disant, il zozotait. Ça, c'est faux. Les prophètes sont les meilleurs des créatures et Allah les a envoyés en tant que messagers. Ce sont des envoyés de Dieu, donc ils sont extrêmement éloquents. Et malheureusement, dans certains livres, il y a un égarement qui est écrit. Et cet égarement prétend que le prophète Moussa alayhi salam ne parlait pas correctement ou qu'il zozoterait ou qu'il ne savait pas prononcer les lettres correctement. Et ça, c'est absolument faux. Il n'est pas permis de croire en cela. Il n'est pas permis d'insulter le rang des prophètes et de leur attribuer des caractéristiques qui sont indignes et qui sont incompatibles avec leur statut de prophète. Donc, effectivement, la braise a touché sa langue et ça a laissé un effet. Mais cet effet-là, ça n'était pas de zozoter, de dire « the » au lieu de « the » ou de ne pas être capable de prononcer les lettres correctement. Ça a laissé quoi comme trace? À cause de cette brûlure-là, le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il a grandi, il parlait avec une légère lenteur, mais sans que cela n'ait d'effet sur son éloquence. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que plus tard, cette trace-là, elle disparaisse suite à l'invocation du prophète Moussa alayhi salam. Allah ta'ala dit dans le Coran, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. Donc, dans ces versets, il est dit que Moussa, alayhi salam, quand il a grandi et qu'il a reçu la révélation et qu'il a su qu'il devait porter le message de l'islam, il a invoqué Allah et il a dit « Rabbi shrah li sadri ». Donc, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, différentes invocations, « wa yassir li amri », il a demandé à être facilité, « wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli », et il a demandé parmi ces invocations que cette trace de la brûlure de cette braise, elle disparaisse de sa langue. Mais c'était quoi cette trace? Comme j'ai dit, c'était le fait que cela avait provoqué une légère lenteur qui n'affecte pas son éloquence. Mais il ne zozotait pas et il ne bégayait pas parce que ceci est impossible au sujet des envoyés d'Allah. Allah leur a tous accordé un beau visage, une belle voix et une grande éloquence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Ma ba'atha Allah nabiyyan illa hasan al-wajhi hasan al-sawti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta » C'est-à-dire que Allah n'a pas envoyé un messager, un prophète, sans qu'il ne lui accorde un beau visage et une belle voix, et votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix. Donc tous les prophètes avaient vraiment les meilleures qualités, les meilleurs des attributs qui puissent être donnés à un être humain, c'était des messagers de Dieu. Ils portaient le message de la part d'Allah Ta'ala, et aucun d'entre eux ne bégayait, et aucun d'entre eux ne zozotait, mais ils étaient tous extrêmement éloquent. Donc pour cette grande sagesse qui était la protection du prophète Moussa alayhi salam des griffes de Pharaon, Allah Ta'ala a fait que ce soit la braise qu'il prenne dans sa bouche et non pas la date. Puis après cela, Moussa alayhi salam a continué à grandir dans le palais de Pharaon et il était vêtu de beaux habits, hein, des habits qui étaient somptueux. Il montait sur des belles montures, étant donné que il avait comme une vie de prince, parce que il vivait dans le palais de Pharaon. Sauf que, étant donné que Allah lui a accordé les attributs des prophètes, il avait un excellent comportement et il défendait beaucoup Banu Israël. Quand le peuple de Banu Israël, il subissait des injustices, Moussa alayhi salam, il faisait en sorte de les protéger et de les défendre contre les injustices des Coptes. Et il était intouchable parce qu'il était celui qui vivait dans le palais de Pharaon. Donc lui, il était intouchable et il protégeait le peuple de Banu Israël des injustices qui étaient commises par les Coptes de temps à autre. Et à un moment donné, un jour, alors que le prophète Moussa alayhi salam était dans une des villes d'Égypte, et c'était l'heure de la sieste, donc le soleil il tapait extrêmement fort, et la plupart des gens étaient chez eux, il n'y avait personne dans les rues, les aswaq, les marchés, les souks, ils étaient fermés, les gens ils faisaient la sieste, la rue elle était déserte, le prophète Moussa alayhi salam, il était dans la rue, et là il a vu deux hommes qui se bagarraient. Et parmi ces deux hommes, il y en avait un qui était un copte, donc c'était un égyptien de souche, et il y en avait un autre qui était hébreu. Il faisait partie du peuple de Banu Israël. Et quand Moussa alayhi salam, il les a vus, l'homme de Banu Israël, il l'a appelé à l'aide. Alors Moussa alayhi salam, il est parti pour se diriger vers le mécréant, le copte, et pour protéger l'homme de Banu Israël, pour protéger l'hébreu, il a frappé le copte pour qu'il l'empêche de nuire et d'être injuste envers l'autre. Sauf que les prophètes, ils sont également extrêmement forts. Alors quand il a frappé le copte, en un coup, il l'a tué sans faire exprès. Il lui a donné un coup de poing et en un coup de poing, il est tombé raide mort. Mais ça n'est pas ce que le prophète Moussa alayhi salam a voulu faire. Lui, il n'a pas voulu le tuer. Il a juste voulu le frapper. Allah Ta'ala dit à ce sujet dans le Coran وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Donc dans ces versets, il est raconté cette anecdote, cette histoire dans laquelle le prophète Moussa alayhi salam a trouvé deux personnes dans la rue et que ces deux personnes étaient en train de se combattre et l'un des deux faisait partie des ennemis de Moussa, donc des Coptes, et l'autre, il faisait partie de son peuple. Alors Moussa alayhi salam a frappé le Copte et sans faire exprès, il l'a tué, puis il a regretté cet acte qu'il a fait. Sauf que Moussa alayhi salam, après cela, il a été inquiet pour sa vie. Pourquoi ? Parce que Pharaon, quand il allait apprendre la mort d'un de ses partisans, d'un des Coptes, il allait chercher qui a fait ça et il allait vouloir le tuer. Sauf que personne n'a vu Moussa alayhi salam, sauf l'Israélite, sauf la personne que Moussa alayhi salam a défendue. Au moment où Moussa a frappé cet homme-là, comme j'ai dit tout à l'heure, les rues elles étaient vides et les gens dormaient. Effectivement, quand les gens ont vu cet homme qui était mort, qui gisait sur le sol, ils ont annoncé cela, ils ont informé Pharaon, et Pharaon, il était furieux et il a voulu venger ce copte-là. Alors, il a dit à ses soldats, trouvez-moi le meurtrier et trouvez-moi des gens qui témoignent que c'est bien lui le meurtrier et je vous ferai justice, je vous vengerai et je tuerai le meurtrier. Le prophète Moussa alayhi salam, il s'est retrouvé le lendemain sur la route également et il a vu le même Israélite, le même qu'il avait défendu la veille, il l'a vu qui était en train de s'embrouiller avec un autre copte. Et c'était le même. Alors là, le prophète Moussa alayhi salam, il est passé par là, et cette fois-ci, il s'est dit, mais c'est toi en fait qui cherches les problèmes. C'est toi qui es bagarreur. Et il a fait des reproches à celui qui faisait partie de Banu Israël. Mais tout de même, il s'est rapproché pour défendre celui qui faisait partie de Banu Israël. Il lui a fait un reproche, mais il s'est rapproché d'eux quand même pour le défendre contre le copte, tout en pensant que cet Israélite, on dirait qu'il cherchait les problèmes. Mais quand il s'est rapproché, après lui avoir fait des reproches, qu'est-ce que cet homme de Banu Israël a dit ? Il a cru que le prophète Moussa, alayhi salam, il allait le frapper lui. Alors il a dit à voix haute, « Tu vas me tuer comme tu as tué le copte hier. Tu veux me tuer comme tu as tué cet homme hier. » Alors l'autre, le copte, quand il a entendu ça, il a couru pour aller voir Pharaon pour l'informer que le meurtrier, que celui qui avait tué le copte hier, c'était le prophète Moussa alayhi salam. Et il est parti informer Pharaon. Et c'est là que cet épisode s'arrête. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, jeudi prochain, pour la suite de ce cours. L'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Mais avant cela, bien entendu, je vous donne rendez-vous samedi pour un cours sur le livre Les Jardins des Vertueux, Riyad al-Salihin. Et lundi, donc samedi, ce sera sur Les Jardins des Vertueux. On citera quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés par l'imam An-Nawawi. Et lundi, bien entendu, comme tous les lundis, il y a cours sur la croyance à 20h. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous inscrire sur le mail l'islam.simplement@gmail.com pour recevoir le lien de chaque live sur WhatsApp quelques minutes avant le live. Inch'Allah ta'ala, n'oubliez pas également de partager pour faire profiter de la science de la religion au maximum de personnes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dallu 'ala al-khayri kafa'ilihi, c'est-à-dire celui qui indique à autrui de faire un bien, il aura des récompenses semblables à cette personne à qui il a indiqué de faire le bien, qui a ensuite fait le bien. Donc, propagez le bien et partagez les différents cours qu'il y a dans cette chaîne. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.